Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'Histoire, le magazine féministe La Vie en Rose. À venir jusqu'à maintenant, on a fait le journalisme dans la mesure du possible qui nous plaît, qu'on veut faire, c'est-à-dire une presse d'opinion féministe. À notre grand étonnement, ça plaît, effectivement. Il y a beaucoup plus que les gens qui nous entourent et les gens qui nous ressemblent qui disent aimer ça. La Vie en Rose connaîtra effectivement un beau succès et plaira au public, comme le dit ici sa cofondatrice, la journaliste Francine Pelletier, en 1982. En fait, de 1980 à 1987, La Vie en Rose aura un tirage moyen d'à peu près 20 000 exemplaires par numéro. Au cours de son existence, environ 400 femmes collaboreront au magazine. Parmi ses plumes les plus connues, celles de Francine Pelletier, Ariane Aymon, Françoise Guénette et Hélène Pedneau. Donc, on lance une nouvelle publication sur le marché des périodiques. Ça s'intitule « La vie en rose », Colette Beauchamp. Ça s'intitule « La vie en rose » et comme c'est un magazine fait par des féministes, je pense qu'elle a une pointe d'humour. Ce qu'on pourrait dire, c'est que depuis la disparition, il y a un an, du collectif Tête de Pioche qui affichait un féminisme radical, il y avait rien ou aucun journal qui était fait par les féministes. Ça raconte quoi, par exemple, le premier numéro? Le premier numéro, il y a le point de vue des femmes humoristique sur la mode, sérieux sur l'information dans les médias au sujet des femmes, sur la récupération possible des mouvements féministes, sur le référendum et la paix sociale. La journaliste Colette Beauchamp qui présente donc le contenu du premier numéro du magazine féministe La Vie en Rose à l'émission Présent. Nous sommes en mars 1980. Pour nous raconter l'histoire, l'importance également de La Vie en Rose, la journaliste, documentariste, cofondatrice à l'époque de La Vie en Rose, vous l'avez entendu au tout début de l'émission, Francine Pelletier. Francine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment ça commence, cette aventure de La Vie en Rose? Eh bien, comme toutes les aventures féministes dans les années 70, ça commence, mine de rien, dans une cuisine un soir. Presque beaucoup de choses ont commencé dans des cuisines, n'est-ce pas, à cette époque-là. Et c'était en fait une cuisine louée parce qu'on était allé dans une auberge à Saint-Hippolyte, si ma mémoire est bonne, pour quelques-unes, un petit noyau de départ. On était un noyau de 5 femmes. Alors, Sylvie Dupont, Ariane Aymon, Lise Moisan, moi-même et Claudine Vivier. Et c'était presque tous des femmes, c'était à peu près, oui, toutes des femmes qui avaient milité avec le fameux comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit, qui était le groupe de femmes à l'époque, c'est-à-dire la cause à l'époque, c'était bien sûr l'avortement. Morgan Taylor était toujours poursuivie. Donc, c'était pas gagné, là, l'avortement encore. Et la question du féminisme était beaucoup basée sur la question de la libre disposition du corps des femmes, etc. Donc, on avait tous été impliqués là-dedans. Et je pense qu'on avait toutes, quelque part, des ambitions par rapport à l'écriture. Ou en fait, tout au moins, on avait toute l'ambition de continuer à militer, mais autrement. Oui. Moi, certainement, c'était le cas. Je me suis jamais autant... J'ai eu un grand plaisir dans le mouvement des femmes, et particulièrement dans La Vie en Rose. À La Vie en Rose, je me considérais pas d'abord une militante. Ouais. Et donc, de pouvoir joindre mon rêve d'enfance, qui avait été toujours d'écrire, et le journalisme et le combat pour la lutte des femmes, c'était inespéré, inattendu et parfait. Là. Donc ça, c'est là, quand vous partez dans cette petite auberge. Je ne sais pas si déjà, en partant, vous savez que va en ressortir l'idée d'un magazine, mais l'idée de sortir de la militance, d'accéder, que la parole, entre guillemets, soit portée dans un plus grand public, ça, c'est présent, tout de suite. Oui, oui. Dès le moment qu'on se rend compte, l'idée est déjà là de faire un magazine. Bon, il y a eu Tête de Pioche, on a eu une référence tantôt, Colette Beauchamp y faisait référence. Il y a eu d'autres publications de femmes québécoises debout, le fameux Québécoises debout, début des années 70. Mais ça n'existe plus, si je ne m'abuse, au moment où... On est en 1979, là, au moment de cette fameuse rencontre. Et il n'y a pas une grosse presse féministe, mais surtout, de toute façon, nous, on veut faire quelque chose de différent. on veut, et c'est vraiment ce qui, je pense, qui a démarqué et distingué La Vie en rose du début à la fin, c'était qu'on voulait, il n'était pas question de faire un bulletin pour le mouvement des femmes. Mm-hmm. Là. On ne faisait pas quelques articles qu'on brocherait dans notre sous-sol et qu'on distribuerait. Là. C'était vraiment un vrai magazine qu'on voyait beau et grand, mm-hmm. qu'on voyait en couleur, sur papier glacé, The sky is the limit. Qui intéresserait tout le monde, Francine, ou qui s'adressait, j'imagine, d'abord aux femmes, mais cette volonté de magazine qui intéresse les hommes, qui intéresse tout le monde ou pas? Ben, dans notre naïveté. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on veut aller chercher le plus grand nombre. Oui. On est consciente que le féminisme, c'est la question du jour, c'est la cause par excellence. On a l'impression qu'on fait partie d'une majorité, c'est peut-être pas tout à fait une majorité, mais on a l'impression que vraiment le vent nous souffle dans le dos et que personne critique le féminisme à ce moment-là. C'est quand même étonnant, là, je veux dire. Il y a comme, pendant les années 70, c'était vraiment, on reconnaissait que l'heure était venue, un peu comme Justin Trudeau aujourd'hui avec son cabinet de femmes, l'heure était venue pour enfin faire de la place aux femmes. Et donc, on sentait qu'on était à la bonne place au bon moment. Mmh. Et on s'attendait à ce que des hommes aussi s'intéressent à la question, bien qu'on a vite, on s'est vite rendu compte que pour la plupart des hommes, c'était toujours un peu malaisé, qu'on nous racontait des histoires d'hommes qui arrivaient au comptoir avec la revue tournée pour pas qu'on la voie, un peu comme un magazine pornographique, ouais. Vous savez, pour pas s'identifier à ce qu'ils achetaient. Donc, ça n'a jamais été nécessairement un best-seller chez les hommes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'ont lu quand bien même, et ça a certainement été le succès de la presse alternative au Québec. Oui. Ariane Aymon, qui répond encore là à la question que Colette Beauchamp lui pose dans ce même reportage diffusé au tout début en mars 80, pourquoi La Vie en rose? Écoutons cet extrait. Ariane Aymon, quel est le but de La Vie en rose? De démontrer jusqu'à quel point les féministes ne sont pas toutes taillées d'un seul bloc. De façon générale, les médias et bien d'autres gens charrient l'image des féministes comme étant des femmes un peu plaignardes ou qui adressent la parole à la population pour revendiquer toujours 5 ou 6 mêmes revendications. Considérant que le mouvement féministe est beaucoup plus large, La Vie en rose veut être un reflet de toutes ces tendances et de toutes ces façons d'exprimer que les féministes ont. C'est en ce sens-là qu'on a envie, entre autres, de se servir de l'ironie et de l'humour comme d'une arme. Se servir de l'ironie et de l'humour comme une arme, ce sera présent, ce sera important, l'humour, Francine Pelletier. Absolument. C'était une condition sine qua non. On se donnait pas, évidemment, l'obligation d'être drôle à chaque article ou à chaque parution, mais ça faisait partie mm-hmm. de qui on était. Et c'était une des choses qu'on croyait manquait. Vous savez, dans les mouvements idéologiques, en général, c'est assez sérieux. Ouais. Puis on se prend au sérieux. Puis on n'est pas là pour rire, mm-hmm. puis c'est pas drôle, puis on est là pour changer le monde. Mm-hmm. Forcément, il faut que tout le monde plus ou moins disent la même chose au même moment. On était absolument contre cette idée-là. D'abord, le titre, La Vie en rose, oui. il y a de l'ironie là-dedans. Oui, tout à fait. C'est Edith Piaf, évidemment, c'est sa chanson, une chanson amoureuse. Puis nous, on l'avait détournée quand je me prends dans ses draps. je vois, parce que la sexualité, c'était un autre sujet de prédilection de La Vie en rose. Alors, nous, on voulait avoir du plaisir. On savait qu'on ne pensait pas nécessairement toutes la même chose. On n'était pas nécessairement tous de la même trempe. En principe, on était des féministes radicales parce que n'importe qui militait était considéré une féministe radicale. Ouais. Puis on préférait ce titre-là à les féministes bourgeoises, comme nous appelaient les marxistes. Mais parmi nous, il y avait des modérés comme des plus radicales, il y avait un peu de tout. Et tout ça était reflété dans La Vie en rose. Et aussi, on voulait, comme je disais, on voulait pas trop se prendre au sérieux. Mmh. On voulait s'amuser à faire La Vie en rose. Et Dieu sait qu'on l'a fait. Ouais. Et mettre les questions qui touchent, les dossiers qui touchent les femmes, que ces dossiers-là se retrouvent quelque part. Il y a ce vide dont vous parliez. La presse, la grande presse traditionnelle à l'époque, c'est le grand vide, là. Il y a encore des pages féminines, je crois, à cette époque-là. Je ne pourrais pas jurer de la chose, mais je pense qu'il y a encore des pages féminines. Et bien sûr, dans les Journal de Montréal et autres tabloïdes, il y a encore les fameuses filles en page 2, oui. en bikini. On est loin du dossier de fond sur on est loin du dossier de fond. Puis nous aussi, en plus de se démarquer d'une presse trop sérieuse, idéologique et féministe, on voulait se démarquer évidemment de la presse féminine, des magazines de femmes, ouais. Où c'est les recettes, la beauté, le bien-être. Donc nous, on voulait, comme on disait à l'époque, on voulait s'adresser à l'intelligence des femmes. Mm-hmm. Et on voulait aussi parler de tout, c'est-à-dire dans ce sens-là qu'on rêvait en couleur, c'est-à-dire qu'on ne considérait pas qu'il n'y avait que des sujets qui concernaient les femmes, les sujets de rigueur, l'avortement, la prostitution, la pornographie. Même élargir. Ariane Aymon l'évoque, ça, cette volonté de donner des féministes une image différente, plus diversifiée, qu'il n'y ait pas 5 dossiers toujours les mêmes qui soient dans les pages de La Vie en Rose. C'est ça. Donc, on parlait de l'international. C'est sûr qu'on avait un focus qui était nettement féministe, mm-hmm. donc les grandes questions de l'heure, que ce soit l'avortement ou autre, étaient dans nos pages, mais on essayait de sortir de ce strict carcan-là. On parlait beaucoup, beaucoup de culture également. On a parlé évidemment du référendum. Parce Vous arrivez que, au moment du référendum. On arrive au moment du référendum. Le premier, ouais. Oui. J'ai été la première dans un éditorial à appuyer Pauline Marois à sa première course à la chefferie. Bref, on essayait de ramer le plus largement mm-hmm. possible. Ça se passe bien ou c'est difficile? Non, ça se passe étonnamment bien. Étonnamment bien, même si on n'a jamais vraiment eu l'argent de nos ambitions. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on a toujours eu un manque à gagner. Encore une fois, naïvement, on croyait qu'avec le temps, le public nous rattraperait. Mais bon, on a toujours eu un problème qui est le problème de tous les médias écrits aujourd'hui. On avait un manque de publicité. Malheureusement, les publicitaires croyaient que les féministes ne fumaient pas, n'achetaient mm-hmm. pas d'auto et ne consommaient pas, quoi. Alors, on en avait, mais c'était très difficile. C'était pas facile du tout d'aller chercher de la publicité, surtout mm-hmm. de la publicité payante. On avait évidemment beaucoup de publicité culturelle, gouvernementale, etc. On avait des subventions, mais surtout, c'était nos abonnements qui nous faisaient vivre. Qu'est-ce qui marche dans le magazine? Des exemples de bons coups. Moi, je pense à un, en préparant l'émission, les gens autour de la table de rédaction disent à Hélène Pedneau, à un moment donné, qui dit « Tiens, on va demander Simone de Beauvoir en entrevue pour La Vie en rose. » Puis c'est l'éclat de rire autour de la table. Vous avez Simone, elle aura Simone mm-hmm. de Beauvoir. Les bons coups qui vous reviennent, qu'est-ce qui marche bien dans le magazine? Ben, tout ce que Hélène Pedneau fait marche ouais. bien. Hélène Pedneau, qui est devenue notre chroniqueuse délinquante, elle avait une chronique qui s'appelait La chronique délinquante. Et ça commençait toujours par « Y a-t-il quelque chose dans la salle? » Alors, « Y a-t-il une femme dans la salle? » Bref, elle en a écrit pendant des années, ouais. elle a eu sa chronique délinquante jusqu'à la fin. Et ça, c'était notre Foglia, si on veut. Oui. Ça marchait fort. Elle est extrêmement drôle, Hélène, et en même temps, très, très... Elle ne mâche pas ses mots. Donc, ça, c'est bien sûr un plus pour nous. Mais Simone de Beauvoir, c'était la manne qui tombait mm-hmm. du ciel. Pourquoi dit-elle oui? Écoutez, j'allais dire un petit magazine. Mais... Ben, parce que je pense que... Pour n'importe quel féministe, moi, c'est certainement mon cas aujourd'hui, quand d'autres jeunes oui. féministes viennent cogner à votre porte en disant « Vous nous avez inspiré, vous êtes un modèle, est-ce qu'on peut vous interviewer? » Je pense que c'est difficile de dire non. Mm-hmm. Et vous savez, on a tendance à mythifier Simone de Beauvoir, la mettre sur un piédestal, mais je ne suis pas sûre qu'à cette époque-là de sa vie, qu'elle était courue par les médias tant que ça. En France, le féminisme, à cette époque-là, et même par après, c'est pas mainstream. Là. Mm-hmm. Alors, ça, c'est des bons coups. Je pense qu'on a fait, à chaque été, on faisait des nouvelles. Notamment, on a fait pendant 2 étés des nouvelles érotiques. Mm-hmm. Et ça a marché fort. Ça a été surtout des sujets de grandes discussions mm-hmm. et de grands déchirements parmi nous. Mais j'ai beaucoup de souvenirs à ce titre-là. On vous a même reproché, certains vous ont reproché sur ces nouvelles érotiques de faire de la porno, finalement. Oui. d'être macho presque. Oui. Alors, encore une fois, ça reflétait ce qu'on voulait être, c'est-à-dire qu'on voulait avoir une grande liberté de penser. Mm-hmm. Quitte à ce que ces pensées-là soient en contradiction parfois, ça fait partie de la vie. Comme dirait Marx, c'est comme ça que le monde avance. Mm-hmm. Et donc, on donnait libre aux femmes qui écrivaient dans nos pages et aux hommes. On a eu quelques hommes quand même qui ont écrit dans nos pages. D'ailleurs, on a dédié tout un numéro aux hommes en disant « c'est votre numéro, en fait, ou presque ». Ça aussi, ça a été un bon coup. Il y en a déjà pas mal sur ces 7 ans qu'existera le magazine. Extrait d'une autre entrevue. Françoise Guénette, cette fois-là, à l'émission Le Point en 82. Écoutez ça, Francine Pelletier, ça va vous intéresser. Si un Martien ou un étranger arrivait ici, tout à coup, il regardait la télévision, les journaux, il pourrait très bien avoir l'impression que 95% des êtres humains de cette planète ou de ce continent sont des hommes blancs. De 35 ans. De 35 ans et plus, à peu près. Et la plupart d'entre eux s'exprimant bien, donc probablement instruits. Alors nous, on dit qu'il faut commencer par montrer plus de femmes à l'écran, sauf qu'on nous donne l'argument du ghetto très souvent. C'est que La Vie en Rose est vue comme un ghetto, puisque toute la revue est faite, conçue, pensée, réalisée à tous les niveaux, là, par des femmes uniquement. Et nous, on répond à ça en disant, bon, regardez ailleurs, est-ce que les journaux, les revues, les magazines ne sont pas des ghettos d'hommes? Et ça, Le Point, je pense, en est un bon exemple. Quand on regarde l'émission... 1982, est-ce que ça a tellement changé? Ben, demandons-nous pas pourquoi le féminisme revient. C'est exactement pour ces raisons-là. En principe, avec tout ce qui se brassait au début des années 80, dans la foulée évidemment des années 70, qui a vraiment bouleversé beaucoup de choses, changé beaucoup de choses, c'est pendant ces années-là que les femmes de ma génération changent, je veux dire, nos vies changent complètement, mm-hmm, par rapport à celles de nos mères et nos grand-mères. Là, c'est phénoménal, là. Le vrai changement, là, pour utiliser un terme à la mode, c'est là que ça se passe. C'est un changement capital, c'est une véritable révolution. Donc, étant donné ce bouleversement, on s'attendait à ce que dans, peut-être pas 10, mais au moins 15, 20 ans, mm-hmm, certainement 25 ans, beaucoup de choses auraient changé par rapport à la composition de la place publique, là. Et on regarde autour de soi, je veux dire, ça a changé jusqu'à un certain point. Les lois ont changé, mm-hmm, mais la visibilité des femmes n'a pas suivi, mm-hmm, le même momentum. Il y a quelque chose qui ne s'est pas rendu jusqu'au bout. La Vie en Rose, on y revient, ça se termine en 87. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je suis déjà partie à ce moment-là. Ça fait déjà un an. Comme j'ai été la première engagée, en fait, à La Vie en Rose, c'est moi qui tenais la permanence dès les premiers jours, la première année. Je suis partie en 86 pour continuer mon journalisme, pour voir s'il y avait une journaliste là, qui pourrait évoluer dans un autre contexte, parce que pour moi, j'avais découvert mon métier en faisant La Vie en Rose. Je suis devenue journaliste comme ça. Mais je suis toujours impliquée dans le conseil d'administration, etc. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est l'inévitable. De toute façon, on oublie que les années 80 ont été très, très différentes des années 70, vous savez. On a comme survécu, comme malgré nous, aux années 80, parce que dès le début, là, 1983, il y a une grosse récession. C'est Margaret Thatcher qui rentre en Angleterre, Ronald Reagan. Je veux dire, le conservatisme, après les folles années du peace and love et de la libération, la lutte des classes, la libération des femmes, c'est le retour aux vraies affaires, là, si on veut. La loi du marché. La loi du marché. L'austérité dont on parle aujourd'hui, ça a commencé à ce moment-là, ouais, en fait. Et c'est une autre époque complètement là, qui rentre en ligne de compte. On oublie, on met de côté les idéaux collectifs qui, au Québec, sont très forts, notamment à ce moment-là, les années 70, et l'individualisme, mm-hmm, devient de plus en plus présent. Donc, au début, quand on a commencé La Vie en Rose, presque tout le monde qui se disait féministe, homme ou femme, voulait et lisait La Vie en Rose. Mm-hmm. Mais vers la fin, de moins en moins, on sentait que les gens... C'était, dites-nous pas quoi penser. Là. Tu sais, on passe à d'autres choses, ouais, on a compris, bon, c'est beau. On voulait plus ce carcan-là, on voulait plus d'idéologie. La Vie en Rose, donc, meurt de sa belle mort en 87. Dernière question, ça passe vite, Francine Pelletier. Est-ce qu'il y a un vide? Est-ce que cette parole féministe, vous la retrouvez ailleurs, autrement? Est-ce qu'on aurait besoin aujourd'hui encore de La Vie en Rose ou sinon on est passé à autre chose? Ben, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que j'ai été trop impliquée là-dedans. Je sais qu'on n'aurait pas pu continuer. Oui. Vous savez, on était nous-mêmes brûlés. On avait fait une erreur que plusieurs font dans de telles aventures. On n'avait pas préparé la relève. Et de toute façon, l'époque n'était pas bonne pour la relève. Donc, je pense que le féminisme, sans le savoir, on s'est tous tapis dans nos coins. Puis le féminisme a continué tant bien que mal à travers les individus, entre des projets, certains groupes de femmes. Alors, est-ce que La Vie en rose pourrait continuer aujourd'hui? Moi, je vois une renaissance du féminisme. Mmh. Mais c'est depuis quelques années, là. L'affaire Gomeshi, pour moi, c'est vraiment un révélateur d'une nouvelle conscience qui, sans doute, se préparait depuis quelques années. Mais c'est comme si il a fallu passer toute une génération de femmes, celles qui nous suivaient immédiatement, pour arriver à l'autre. Les plus jeunes aujourd'hui, là, qui ont 20 ans, qui, elles, ont raison de s'attendre à ce que la vie ait changé complètement et se rendre compte que c'est pas vrai. Malgré que tout ce qu'on leur dit, malgré le fait qu'elles ont été élevées dans la parfaite égalité avec leurs frères sur les bancs d'école, elles voient qu'elles ont des difficultés qu'elles ne sont pas censées avoir. Nous, on était censés quand même en arracher un peu, là. Mais, et ça, je pense que ça crée, avec certaines situation scandaleuse, Gomeshi, les femmes autochtones, la violence conjugale, la violence sexuelle. Tout ça fait, ça va faire, c'est assez. Là. C'est comme, il y a quelque chose, il y a un travail qui n'est pas fini, alors finissons-le. Et ce « c'est assez-là » se retrouve aujourd'hui dans, non plus dans un magazine spécialisé, mais dans l'ensemble des grands médias. Ça, c'est gagné, cette bataille? Oui, dans les grands médias, encore une fois, j'hésite à parler pour eux. Je pense qu'il y a une acceptation de la question féministe, de la question de la place que les femmes doivent prendre. Je pense que c'est assez incontestable. Tu sais, qu'il n'y a plus personne qui vont dire que ces affaires-là, ça n'intéresse personne, puis c'est pas pertinent. Je pense que tout le monde le sait. On voit ce qui se passe, encore une fois, avec nos gouvernements. Donc, il y a nettement un intérêt et un souci pour ces choses-là, mais qui pourrait être beaucoup plus aiguisé, c'est sûr. Je veux dire, on le dit en parole, mais les actes ne suivent pas toujours. Donc, on faut voir la suite. La bataille n'est jamais finie, Francine Pelletier. Merci beaucoup, Francine Pelletier, journaliste, documentariste. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp à la réalisation, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Daniel Foucard et Mathieu Arsenault, à la technique Chantal Benoît. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.